dans sa classe, il y avait des élèves normaliens qui faisaient un stage, et à l'époque, les élèves normaliens portaient un uniforme noir à boutons dorés. C'est pour ça que Peggy les a comparés à des hussards de la République. C'est à cause de leur uniforme, et pour aucune autre, enfin, peut-être une autre raison, mais essentiellement à cause de leur uniforme. Donc, transférer tout ça sur l'ensemble des instituteurs, je trouve ça un peu ridicule, et le transférer au maire, ça n'a strictement plus vraiment aucun sens par rapport à la parole primitive de pays. Alors, Christian Poncelet déclare au maire, c'était les nouveaux hussards de la République, leur dit qu'en organisant cette fête, le Sénat avait voulu saluer leur dynamisme, leur dévouement et leur abnégation au service de nos concitoyens. Il ajouta, la fête conviviale qui nous rassemble aujourd'hui constitue un acte de foi dans la vitalité de la démocratie de proximité, qui est tout à la fois le soubassement de notre démocratie, etc., etc. Je vois qu'il faut que je m'arrête. Ensuite, il y a eu quelques mots de Lionel Jospin, quelques mots de Jacques Chirac. Jospin est venu saluer les maires accompagné de deux ministres, Laurent Fabius et Daniel Vaillant. Et puis, Jacques Chirac, vous connaissez sa réputation, il a serré des centaines de mains, et ensuite, il a fait un petit discours dans lequel il s'est déclaré favorable à un statut des élus, ce qui lui valut de forts applaudissements. Et ensuite, il y a eu... Alors voilà la présentation de produits régionaux pour les maires devant le Sénat. Alors je ne sais pas si ça, après, ça a été mangé ou si c'est resté à titre de décoration. Et ensuite, Christian Poncelet avait prévu un lancement de centaines de ballons tricolores. Donc voilà la foule des maires et de leurs conjoints autour du bassin, avec un lancement de ballons. Et voilà une autre scène du lancement de ballons. Alors, épilogue. Présent à Trénia le 14 juillet 2000, Jean-Jacques Ayagon avait lancé l'idée d'un renouvellement régulier de ce pique-nique à chaque 14 juillet et déclaré « Organisons de grands pique-niques dans les communes de France qui seront de vrais banquets républicains. Regardez le succès et l'adhésion du public. » Il était à Trénia, hein. Donc à Trénia, près de 10 000 personnes ici malgré le mauvais temps. Cette incitation ne fut pas suivie des faits. J'ai trouvé un renouvellement en 2006. En 2006, Gadvel, qui est un organisateur de grands événements, c'est lui qui avait organisé la grande moisson sur les Champs-Élysées en 2000, je ne sais plus.